Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, qui publie « On n'enchaîne pas les volcans » chez Gallimard. J'ai déjà dit combien il fallait être redevable à Sade, non pas de nous donner des idées, mais de nous en enlever, de nous défaire de tout ce qui sert à nous tromper sur ce que nous sommes. On rappelle, Annie Lebrun, que vous avez participé aux dernières années du mouvement surréaliste. Oui. Il en reste sûrement quelque chose. Où ça? Chez vous. Chez moi? Oui. Oui, sûrement, mais c'est sûrement la passion que j'ai pour Sade, ça c'est sûr, oui, entre autres. Ça vient de là. Non, ça ne vient pas vraiment de là. Ça vient du roman noir. C'est-à-dire que... Et là, ça vient du surréalisme. C'est parce que, donc très jeune, en lisant les manifestes du surréalisme, j'ai été arrêtée par cette phrase de Breton en parlant du moine de Lewis, où il évoquait le personnage féminin, Mathilde, et Breton commentait ce personnage en disant « C'est un personnage, c'est une tentation à l'état pur, et si un personnage n'est pas une tentation, qu'est-il ?» Et je dois dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais donc il y a des livres où les personnages sont des tentations à l'état pur. » Alors évidemment, j'ai couru pour aller voir ça, et c'était aussi, ça me paraissait d'autant plus intéressant que c'est dans un passage du premier manifeste où Breton fait un réquisitoire contre le roman, et de tous les romans, pratiquement, il ne sauve que ce qu'on a appelé les romans noirs, qui est cette sorte de littérature populaire non répertoriée comme littérature dans les histoires de la littérature, mais qui, à peu près de 1750 à 1820, a complètement occupé l'imaginaire européen. Et c'est cette sous-littérature donc, qu'on a appelée les romans noirs, parce que, d'une façon paradoxale, en plein siècle des Lumières, il se trouve que là, l'imagination plurielle met en place un décor qui va être le décor romantique. Et quand j'étais amenée à lire ces livres-là, qui étaient quand même relativement difficiles à trouver, qui n'avaient pas été réédités, donc à ce moment-là qu'on pouvait lire dans les bibliothèques, surtout à la Bibliothèque nationale, j'étais fascinée de savoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, comment en plein siècle de lumière, tout d'un coup, l'ombre apparaît, et quel sens ça a dans le paysage mental de ce temps. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout d'un coup, là, tout se passait comme si l'imagination plurielle avait mis en place une sorte de théâtre dans lequel pouvaient être affrontées, représentées les questions que ceux qui étaient censés penser, en particulier les philosophes encyclopédistes, eh bien étaient incapables de penser. Et ça correspondait au moment, justement, à cette grande crise de la conscience européenne, où il y a la disparition de la figure divine, de la représentation chrétienne du monde, et où, de ce fait, eh bien, le paysage est complètement bouleversé, et sans qu'on ait encore les moyens conceptuels pour penser un monde sans Dieu, pour penser le mal, pour penser le désir, pour penser toutes les forces noires qui peuvent agiter la réflexion à partir du moment où le cadre de référence a disparu. Et ça m'a paru j'étais complètement fascinée par ce travail de l'imagination à l'état libre, en quelque sorte. Et il se trouve donc, pour aller essayer de terminer, d'aller un peu plus vite, il se trouve que ces romans produisent toujours le même décor. C'est-à-dire, c'est toujours, en même temps, ce qui est aussi très intéressant, c'est que chemin faisant, il y a une découverte du monde, c'est-à-dire on découvre ce qu'on n'avait pas osé regarder jusqu'alors, c'est-à-dire la grande nature, c'est-à-dire la nature, toutes les forces incontrôlables de la nature, c'est-à-dire la nuit, la forêt, les tempêtes. Et le schéma de ces romans-là, c'est toujours une jeune fille pure, sans tache, qui par les malheurs de la vie est jetée dans le monde, qui est jetée dans ce décor menaçant et qui est face à cette grande nature qu'on commence de tous les côtés à découvrir, et qui pense trouver refuge dans un château. Et ce château d'allure gothique recèle tous les malheurs qu'elle croyait fuir, et encore pire, puisqu'en général, elle se trouve dans les mains d'un monsieur sadique, qui a l'intention de lui faire des tas de choses désagréables. Et comme, dans le fond, il s'agit quand même d'une formation de compromis, eh bien, dans ces romans populaires, il se trouve que, eh bien, il y a toujours un retournement, un coup de théâtre, et tout est bien qui finit bien, la vertu est sauve. Et ayant travaillé là-dessus, allant de château en château, si je puis dire, tout d'un coup, je me suis rendu compte, eh bien, que Sade avait utilisé justement ce décor-là. Mmh. Et avec cette particularité, c'est que dans ses livres, eh bien, on va là où s'arrêtent les romans noirs. Voilà comment je suis arrivée aux romans noirs. Donc. Et à ces forces noires, vous avez consacré un livre, Les Châteaux de la Subversion, qui a été publié chez Pouvert et réédité dans la collection Folio. Donc ce sont ces châteaux qui vous ont amené au Marquis de Sade. Oui. À qui vous avez consacré alors plus d'un livre. Oui, oui. D'un côté, je suis contente juste d'être arrivée à Sade par les châteaux. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée à Sade par une démarche conceptuelle. Et de ce fait, il me semble que j'ai pu, que j'étais plus libre, en quelque sorte, pour percevoir le côté unique du fonctionnement du Marquis de Sade, de la façon de penser du Marquis de Sade. Et de ce fait, j'ai une position très différente de la plupart des gens qui se sont intéressés à Sade, parce que la plupart sont allés vers lui comme vers un philosophe, donc sont allés en attendant d'y trouver une pensée systématique, des concepts, et ont essayé de rendre compte de cette pensée de façon rationnelle. Or, moi, ce qui m'a arrêté, qui m'a fasciné et qui continue de me fasciner, c'est qu'on se trouve devant une pensée qui ne fonctionne pas exclusivement rationnellement, c'est-à-dire essaye de penser et la pensée et le corps. Et c'est ça qui n'arrête pas de me fasciner, je dois dire, je suis complètement... Et le plus souvent, les commentateurs de Sade le privent de sa liberté, finalement. Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est cette liberté... Il me semble, oui. J'ai l'impression qu'on le réduit. Éperdu. Oui, le mot me paraît bien choisi en ce qui concerne Sade, puisque c'est ça qui... C'est cette sorte d'infini que lui lie au désir et se faisant à l'imagination. À l'instant, je pense à cette phrase de Rimbaud. Oui. Et libre, soit cette infortune. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi l'appliquer à Sade ? Ah oui. Ah oui. Complètement. Parce que aussi, c'est une sorte de... Il y a une dimension tragique, c'est-à-dire cette sorte de quête de l'éperdu qui est quand même dans Sade et qu'il a la particularité justement de ramener à notre matérialité, eh bien forcément, ne peut qu'avoir une coloration tragique parce que tout ça se passe sur fond de néant. La subversion est toujours éperdue. Pas toujours, mais en l'occurrence, oui. Mais dès qu'elle touche ce qu'on pourrait dire en prenant les mots de bataille, l'être dans la nuit, eh bien oui, c'est toujours éperdu, puisque c'est quand même la question de l'infini qui est posée. La dernière fois que vous êtes venu dans Du jour au lendemain à Annie Lebrun, c'était pour parler d'un essai que vous avez intitulé « Du trop de réalité ». Et je me souviens de la première phrase, elle disait « Il est des livres qu'on préférerait ne pas écrire ». Celui dont nous allons parler ce soir ne fait pas partie de cette catégorie de livres. Non. J'ai rassemblé quelques 24 conférences que j'avais faites et parce qu'il me semblait justement qu'il y avait une unité. Mais bon, non, je revendique complètement le fait d'avoir rassemblé ces interventions. On n'enchaîne pas les volcans. Annie Lebrun, chez Gallimard, n'est pas sous-titré Essai E2SAI, mais Essai E2SAIS. Il y a donc une unité, mais il y a aussi une pluralité. Vous le disiez, ce sont des conférences que vous avez rassemblées, mais des conférences qui se répondent tout de même. Avec une présentation que vous avez ajoutée, inédite, où l'on voit que Sade dérange toujours, aujourd'hui, en 2006, qu'il est toujours censuré ou toléré. Oui. On n'en a pas fini avec le trouble. Non. Vous, oui, peut-être. Non, non, j'en ai pas fini avec lui, sûrement pas. Parce qu'on se trouve devant devant une des pensées les plus conséquentes qui soient, c'est-à-dire une pensée, j'ai dit absolument athée, je pense que c'est peut-être une des seules, sinon la seule pensée athée, c'est-à-dire qui essaye de tirer toutes les conséquences de ce que veut dire pour lui, non seulement un monde sans Dieu, mais un monde sans transcendance. Et la force de, justement de cette aventure-là est de nous amener à essayer de considérer devant avec quel néant nous avons à travailler. C'est ça. Pour continuer à vivre malgré tout si on décide de le faire. Et je pense que de ce fait, on n'en a jamais fini. Mais c'est l'équivalent d'un... on pourrait dire que c'est l'autre face du pari pascalien. Passer à l'autre, l'opposé. Et Nietzsche à côté, c'est un enfant de cœur. Je n'irai pas jusque-là. mais c'est pas très loin. Mais il y a quand même... Le corps a une autre présence et la matérialité et le désir ont une autre présence chez Sade que chez Nietzsche. Oui. Alors vous veillez, vous surveillez même quelquefois, vous voyez ce qui se passe concernant Sade. Par exemple, ces expositions qu'on a pu voir récemment à Paris, Mélancolie, génie et folie en Occident, oui. L'exposition de Jean Clair au oui. Grand Palais. Oui. Jean Clair qui avait parlé bizarrement des surréalistes il y a quelque temps. Oui, il aurait mieux fait de se taire parce que l'accumulation de bêtises qu'il a, de bêtises, de contre-vérités qu'il a faites dans ce livre, c'est quand même, il y a quelque chose de, à mon avis, de profondément indigne là, parce que c'est, on peut pas, c'est indigne, voilà, c'est ça. Mais vous aviez répondu. Oui, oui, oui. Et puis l'autre exposition, c'est celle qu'on a pu voir à la Bibliothèque nationale de France, Lumière. Un héritage pour demain dont l'un des principaux commissaires était Zvetan Todorov. Oui. Et puis il y a cette récente transformation de Sade en ce que vous appelez produit mode, qui se manifeste par exemple par la création d'un prix littéraire. Oui, avec un petit fouet. Prix littéraire du Marquis de Sade. Oui, voilà. Avec un petit fouet qui est... Mais vous pourriez l'avoir ce prix. Comment ? On pourrait vous le donner, ce prix. Ah oui, c'est ça. Non, là aussi, on est dans une sorte de... C'est quand même... tout ça, c'est, ça relève de l'indignité, non ? C'est ça. C'est simple. C'est... Il y a pratiquement pas de commentaire, si ce n'est que c'est pitoyable, c'est ça. C'est-à-dire que pour vous, c'est... Enfin, parlons surtout des expositions, pas du prix littéraire, c'est du contresens. Oui, et puis là, pour les expositions, je trouve ça grave, parce que par exemple, en ce qui concerne l'exposition sur les Lumières, c'était présenté comme une sorte de... On voulait revisiter les Lumières, on voulait justement essayer de penser, étant donné qu'il y a eu ces critiques, d'ailleurs plus ou moins fines, qui ont été faites des Lumières il y a déjà plusieurs dizaines d'années... Bon, on essayait de voir qu'est-ce que c'est que l'héritage des Lumières, étant donné les obscurantismes multiples qui apparaissent ici et là. C'était intéressant, justement, de revenir à ce moment critique de la pensée occidentale. Or, il m'a paru d'une grande indigence que les gens qui ont pris en main ce projet se soient permis de faire l'impasse sur ça. Il brille par son absence. Il brille par son absence. Justement au moment où, par exemple, quelqu'un tout à fait respectable comme Marcel Gaucher interroge, par exemple, les obscurantismes de la démocratie. Alors, il me semblait que c'était très grave que, dans le même temps, on n'essaye pas de prendre en considération la pensée qui avait été la plus critique des Lumières, même si elle n'est pas rentrée dans le débat public au moment des Lumières, mais il n'empêche que c'est une pensée au moment où les philosophes du XVIIIe siècle essayent de socialiser les passions avec les risques et aussi toutes les réductions que ça suppose, tout d'un coup on se trouve avec la seule pensée qui, elle, s'intéresse à ce qu'il y a d'irrécupérable dans les passions humaines. Donc, la moindre des choses, si on prétendait relire les Lumières, eût été, à mon avis, de prendre en considération cette pensée-là. Alors, ne parlons pas non plus de la mélancolie, ou quand même mélancolie, folie, passion. Donc là, quand même, il fallait prendre en compte de cette ouverture sur le noir, justement, que représente Sade, et qui est aussi une sorte de contrepoison à la mélancolie. C'est tragique, mais c'est pas mélancolique. Donc tout ça nous fait oublier, ou voudrait nous faire oublier, que ce qui reste de Sade, ce qui ne cède pas, c'est sa démarche. Une démarche qui est tout sauf conceptuelle, donc forcément rebelle aux analyses philosophiques. Oui, oui. Et toujours j'ai été étonnée qu'on n'ait pas... Parce qu'en général, il me semble qu'on lit Sade en sachant d'avance ce qu'on veut y trouver. Et en ce sens, il est un excellent miroir, parce qu'on voit ce que les uns et les autres y cherchent. Et bon, comme il s'agit quand même d'une pensée assez riche, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Mais j'ai toujours été étonnée de la façon, pas seulement pour ça, mais particulièrement en ce qui le concerne, la façon dont on ne le lit pas. On ne le lit pas. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle « La philosophie dans le boudoir ». Et ça, j'ai l'impression qu'on va répétant ce titre-là sans se dire qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a ce projet incroyable de vouloir mettre la philosophie dans le boudoir. Alors que au XVIIIe siècle surtout, et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement toute réflexion sur la question érotique amoureuse tend justement à faire rentrer ce domaine de l'activité humaine, eh bien, dans une conception philosophique. Alors que le coup de force, la sorte de radicalité de Sade, qui renverse complètement la perspective, est justement de mettre la philosophie tout entière dans le boudoir. Et en plus, ce n'est pas à n'importe quel moment, puisque c'est en 1795, c'est-à-dire au moment où toutes les perspectives changent, où le bonheur est une idée neuve en Europe, comme dit Saint-Just. Donc toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la liberté et les idées neuves de la Révolution, qu'est-ce que c'est que la liberté, l'égalité, la fraternité, là aussi, il eût été important de prêter attention à la façon tout à fait particulière dont Sade aborde ce problème-là. À sa façon particulière de nous donner des idées, mais aussi, comme le dit la petite phrase que j'ai lue pour commencer l'émission, de nous en enlever, de nous déshabiller, en quelque sorte. Et là, en l'occurrence, justement, c'est la philosophie dans le boudoir, et il y a quelque chose de fascinant, parce qu'il reprend un thème de la philosophie politique qui est... comment d'un état corrompu peut-on passer à un état vertueux, et il met cette réflexion en parallèle avec, c'est un classique de la réflexion politique, et lui met ça en parallèle avec aussi la corruption d'un jeune corps, de la jeune personne surdouée qui est dont on fait l'éducation dans la philosophie dans le boudoir, donc de la perversion d'un jeune corps par les idées. Dans le même temps, ce qu'il fait avec les idées neuves dans la Révolution, il les reprend en se demandant qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que ça veut dire physiquement, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité physiquement, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité physiquement. Et on assiste à une sorte de corruption parallèle, mais cette fois des idées par l'intrusion des corps. Et ce faisant, là, on arrive à une sorte de grands vertiges et de grandes interrogations. Voilà. Alors on peut se demander où on va, où va-t-on ? Et vous répondez, Annie Lebrun, à la fin de votre présentation, que Sade nous conduit vers une autre scène. Une autre scène qui serait la conscience physique de l'infini. Oui, j'appelle ça comme ça. Mais bon, il me semble justement que, disons, par sa façon de penser, qui est une continuelle surenchère de l'esprit et du corps. Il arrive justement à ouvrir, comme là, en l'occurrence avec la philosophie dans le boudoir, à ouvrir des espaces qui étaient complètement, à mon avis, qui avant lui, et même longtemps après lui, restent, sinon avant lui c'était inédit, et restent complètement inexplorés, justement, qui est cette sorte de théâtre mental et qui peut être celui de chacun, où tout d'un coup il s'agit de donner un corps aux idées et de donner des idées au corps, c'est-à-dire d'arriver à une sorte de conséquence, de cohérence passionnel qui se construit, qui se construit et se défait tout le temps, mais qui est tout le temps appelé à se remettre en marche et qui se manifeste sur le néant que nous sommes. C'est comme un volcan. Et voilà, oui, parce que plus en réfléchissant toujours à ça, c'est vraiment, on voit à quel point cette image revient chez lui, chez ses personnages. Il y a des scènes extraordinaires où, par exemple, à la fin de Juliette, où Juliette se trouve dans une, je crois que c'est en Sicile, sur une plaine volcanique, et tout d'un coup, elle voit la plaine avec plein de petites flammes dans la nuit. Et elle dit « Ma tête est prompte à s'échauffer. » Et il suffit de rien pour que sa tête s'enflamme, comme il suffit d'un rien pour que la plaine s'enflamme. Parce que ce qui est aussi important dans la démarche de Sade, c'est que toujours, il y a aussi cette conscience, quand je parle de conscience physique de l'infini, c'est que il met continuellement la pensée au défi de la démesure naturelle. Et il conçoit, à mes yeux, le désir comme justement une manifestation de cette démesure naturelle qui est en l'homme. Donc, c'est, est-ce qu'il y a une pensée? Est-ce qu'on peut penser? Est-ce que la pensée est à la mesure de ça, de cette démesure? Et c'est aussi dans ce défi continuel entre l'homme et la nature, et pas seulement à travers l'artifice, qu'il y a une grandeur incontestable chez Sade qui, moi, me fascine, qui est, à mon avis, une des premières entreprises pour essayer de fonder l'athéisme. Alors justement, Annie Lebrun, les deux premiers textes que vous avez rassemblés dans « On n'enchaîne pas les volcans », le livre que vous publiez chez Gallimard, concernent Sade et l'athéisme. Mais peut-être qu'avant d'en dire quelques mots, j'aimerais bien que vous parliez un peu de la conception que vous avez eue de ce livre. Vous avez tenu à y faire figurer des images, par exemple. Il y a pas mal d'images. Oui. Quel est le rôle des images par rapport à ces textes qui, à l'origine, étaient des textes destinés à la seule oralité, puisque c'était des conférences? Je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai eu envie de faire figurer ces images que j'avais trouvées d'ailleurs en travaillant autour de Sade il y a longtemps, c'est-à-dire en préparant la première exposition qui lui avait été consacrée, et où je m'étais trouvée devant la difficulté de rendre compte plastiquement d'une démarche de cet ordre. Et là, il s'était avéré que les seules images qui tenaient par rapport à Sade étaient justement la plupart des images du XVIIIe siècle et concernant justement les domaines qui se trouvaient à ce moment-là ébranlés. Et en particulier, comment oser évoquer les 120 journées plastiquement, si ce n'est que par justement ce qui se passe à ce moment-là autour des images anatomiques et où on s'aperçoit qu'il y a, au moment où Sade lui essaye d'aller voir au fond de l'homme ce qui se passe, eh bien, analogiquement, il y a une démarche de cet ordre qui fait que l'intérêt pour les images anatomiques, pour l'intérieur du corps, et tout d'un coup, dépasse complètement le prétexte scientifique. Et on va voir une foule d'images anatomiques arriver dans les cabinets de curiosité et susciter d'ailleurs une nouvelle mise en scène de ces images de l'intérieur du corps. Bon. Et si j'ai trouvé des images qui après m'ont beaucoup plu, dans cet ordre-là, aussi dans l'ordre aussi de la volcanologie, parce que c'est aussi à ce moment-là que, justement, on commence à étudier les volcans. Mais si, après, j'ai eu le désir de faire figurer des images à côté de ces conférences, c'est peut-être aussi parce qu'une unité de ces conférences, c'est de montrer à quel point Sade est occupé de donner forme à ce qui le hante, de figurer ce qui le hante. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup prétendu autour de l'impensable, de l'indicible, il y a chez Sade une sorte de fureur de représenter. Et c'est bien le théâtre dont on parlait tout à l'heure, ce théâtre du désir, qui est de donner forme justement à cette infini qui le hante, toujours en partant de ce qui, lui, est un des premiers à avoir signalé, la particularité qui est toujours à l'origine du désir. Il y a toujours une singularité physique à l'origine du désir. Et de ce fait, là, on retrouve un des grands chemins de l'imaginaire, qui est de partir de la singularité pour aller le plus loin possible et pour ramener à la précision de la forme. Alors comment Sade va-t-il se donner les moyens de représenter l'irreprésentable ? Il va faire un choix d'abord, peut-être, c'est de ne pas recourir au théâtre, mais plutôt au roman. Oui, alors ça c'est très étrange. C'est très étrange parce que effectivement, donc Sade est connu par les romans, si on peut dire, qu'il a publié ou qu'on a publié après, mais il se trouve que Sade est un passionné de théâtre. Parce que toute sa vie, il va être quelqu'un qui pratique le théâtre. On connaît l'épisode de la fin de sa vie de Charenton avec les spectacles qu'il a montés avec les aliénés de Charenton. Mais aussi, au début de sa vie, il est élevé au théâtre, au collège des Jésuites de Louis le Grand. Et là, le théâtre est un instrument pédagogique. Donc, tout petit, à 10 ans, il joue dans des spectacles, d'ailleurs, somptueux, à part les décors qui sont utilisés. Et toute sa vie, il va être en contact avec les milieux de théâtre. Et même quand il a son propre château à Lacoste, il se paye le luxe d'avoir à demeure deux comédiens professionnels pour donner des spectacles dans le Luberon et pour faire des sortes de tournées avec ses deux comédiens et sa femme et sa belle-sœur qui mettent sur les planches. Bien sûr, au scandale de la famille, de la noblesse environnante, etc. Et là, ça m'a d'autant plus intriguée que, quand il est en prison, il écrit à peu près une vingtaine de pièces de théâtre que les spécialistes de Sade ont systématiquement éliminées parce qu'elles sont elles ne sont pas véritablement sadiennes. Alors, ça commençait à m'intriguer. Pourquoi on ne tient pas compte de ça? Et chemin faisant, je me suis rendu compte que le théâtre avait une telle importance pour lui que quand il est dans cette sorte de frénésie théâtrale pendant laquelle il donne ses représentations dans le Luberon, je crois que c'est l'été 1772, eh bien, que c'est ce qui a, cette frénésie théâtrale a immédiatement procédé une des plus graves, immédiatement précédé une des plus graves affaires qui va lui coûter sa liberté, c'est-à-dire l'affaire de Marseille et des bonbons cantharides, c'est-à-dire où il commence à agresser quelques jeunes prostituées en leur donnant à manger des bonbons cantharides. Tout ça, ça va être le point de départ de son emprisonnement à vie. Et là, il m'a semblé donc qu'il y avait, à la fois dans son activité théâtrale, mais aussi dans la façon dont il utilise tous les procédés théâtraux à l'intérieur de ses écrits, c'est-à-dire par les mises en scène considérables, par l'utilisation du dialogue continuel, et qui est plus qu'un dialogue philosophique, parce que justement, au cours de cette surenchère de la tête et du corps, eh bien, on passe à tout autre chose, qu'on dépasse complètement le dialogue philosophique. Et il m'a semblé que ce recours, ne parlons pas des machines érotiques qu'il invente et qui sont un détournement des machines théâtrales de l'époque, il m'a semblé que, eh bien, à nouveau, il y avait aussi là une sorte de surenchère chez lui entre le théâtre et la philosophie. C'est-à-dire qu'il recourait aux procédés théâtraux pour donner quelque chose de plus à la philosophie, comme il ne s'était pas satisfait du théâtre, qui était incapable, à mon avis, de l'amener ou d'atteindre ce qu'il cherchait qu'il cherchait en même temps à travers la réflexion athée. Et de ce fait, il y a cette sorte de critique continuelle du théâtre par la philosophie, de la philosophie par le théâtre, et on se trouve, là encore, avec une sorte de figuration de la démarche de Sade, qui est cette continuelle surenchère de la tête et du corps. On a juste le temps de donner les thèmes des deux autres conférences. Il y en a une sur Sade et Bataille. Oui. Et la dernière sur Juliette, avec une question étrange. Pourquoi Juliette est-elle une femme? Mais ça, la réponse, c'est dans le livre. On n'enchaîne pas les volcans. Le livre d'Annie Lebrun est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Marie-Thérèse Ferrand, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.